suis posé dans mon bench, j'ai de la blanche Maria, des kilos, des litres, pur qui viennent d'arriver. Rien dans la tête, mais six dans le baril. Ouais, chez nous, c'est la guerre comme les sicarios. Elle arrive à mon port comme elle n'a pas nié. J'ai fait monter Roubaix, ça tu peux pas nier. J'ai vu toutes les armes, je les ai toutes maniées. Elle a vu le buzz, elle veut se marier. J'ai pas le temps pour les gants, moi je donne tout pour maman. Moi je donne tout pour maman. Nouvelle paire, nouvelle sac, une maison loin du bloc, un gros bolide allemand. Elle te regarde dans les yeux, pourtant je sais qu'elle ment. Comme le boule de Nicky, l'amour sans sentiments. Personne va nous mettre à la montre, j'ai les reines, fils de pute, ouais, c'est moi qui commande. J'suis dans le bloc, sa mère, j'suis dans le bloc, sa mère. Ce viser les camés, bah ouais, que la drogue ça paye, bah ouais, que la drogue ça paye. On voulait lever, on a eu le L, j'ai voulu me les faire, mais j'ai eu la flemme. On a donné de l'amour, on a reçu de la haine. Bisous aux haters, ceux qui nous aiment, hey. J'suis dans la rare boy, j'suis dans la rare boy. Y'a que deux places, pas pour les traîtres. Pour la famille boy, j'suis dans la rare boy, j'suis dans la rare boy. Y'a que deux places, pas pour les traîtres, tout pour la famille boy. J'ai compté, compté, compté toute la nuit. Charbonne, tonnette et même en hiver. En un son, j'fais ton salaire à l'année. Toi, tu parles dans mon dos, j'regarde dans le rétro, j'te vois derrière. Tu nous veux du mal, allez baisse ta mère. On finira jamais les fesses à l'air. Dans le GLE, faut qu'il y a ta barbe. Et ceux qui veulent nous abattre, j'veux pas de j'feuille bande à part. Y'a qu'avec les miens que j'coupe la part. La drogue d'une nourrice, un appart. Un braqueur, une meuf, un appart. Renoir, faut que tu rendes les sous. On passera ta mif à ta barbe. J'suis dans le bloc, sa mère. J'suis dans le bloc, sa mère. Sa vie sert les camés. Bah ouais, que la drogue ça paye. Bah ouais, que la drogue ça paye. On voulait le V, on a eu le L. J'ai voulu me les faire, mais j'ai eu la flemme. On a donné de l'amour, on a reçu de la haine. Bisous aux haters, ceux qui nous aiment, hey. J'suis dans la rare boy, j'suis dans la rare boy. Y'a que deux places, pas pour les traîtres, tout pour la famille boy. J'suis dans la rare boy, j'suis dans la rare boy. Y'a que deux places, pas pour les traîtres, tout pour la famille boy. J'ai fait la somme, j'ai fait la somme. On va du hall, rien que les récupère la dose. On échange d'un billet mauve, faire plus de bif qu'il n'en faut, sans donner d'infos. J'monte dans l'hélico, ils me reverront plus grand.